Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Et c'est maintenant le moment pour nous d'accueillir Simon Fidibé avec sa chronique « Paul is dead ». Juste un instant. Est-ce qu'on chante le thème de Doctor Who? Est-ce que tu connais par cœur? Je pense que c'est plus horripilant pour les oreilles. Est-ce que tu peux horripiler des oreilles? Oui, je te fais ça tout de suite, une petite horripilation d'oreille. Oh! C'était pareil comme j'ai fait. Tu aimais ça? C'était bon. Oui! J'ai adoré. Vous savez que Docteur Who, ils ont changé d'acteur justement dernièrement, le 1er janvier en fait. C'est comme les James Bond, ça, ils changent de Docteur Who une fois de temps en temps, là, le docteur change de peau. Ouais, mais c'est une bonne, je trouve que c'est une bonne façon qu'ils ont trouvé pour faire continuer la série sans nécessairement comme faire des gros changements radicaux. Ouais. C'est toujours la même personne, mais qui change d'apparence et de personnalité. Un peu comme le docteur Parnassus, ou je sais pas qui change de... Comme Heath Ledger. Ouais, le film Heath Ledger, c'est ça. Pareil. Mm-hmm. C'est quand même intéressant. Phil Spector, est-ce qu'il change de peau? Non, malheureusement. Il change beaucoup de style de cheveux, par contre, là, surtout dernièrement, mais non, pas de peau, malheureusement. Il aimerait peut-être ça, par contre, parce que là, il croupit pendant plusieurs années en prison. Il aimerait peut-être changer de personnalité, se retrouver dehors. Mmh. On sait pas, hein? Quoique, en tout cas, on va en parler de ça, justement, de ses habitudes. C'est ton sujet d'aujourd'hui, le cours des sombres de Phil. En passant, bonne année, à toi aussi. Et merci. C'est bizarre de voir Kiwan qui est à la console, Mathieu qui est à côté de moi. Ça doit surtout faire bizarre à écouter, j'imagine, à entendre. Là. Ça doit pas sonner pareil, tout à fait. Non, c'est ça. ça sonne plus loin d'un bord, puis plus proche de l'autre. Ouais. Donc, voilà, je vais en venir vous parler aujourd'hui de Phil Spector, le personnage mythique, le producteur mythique, en fait, qui s'est transformé en genre de bonhomme 7 heures bizarre. En tout cas, on va voir un peu sa psychologie ou toutes les choses qui sont arrivées, en fait, dans sa vie d'assez sombre. En tout cas, c'est bizarre et on va commencer comme suit. La mythologie profonde du rock'n'roll comporte son lot de génies promis à une grande réussite qui tourne d'une façon ou d'une autre, pour multiples raisons, terriblement mal. Syd Barrett, le génie derrière Pink Floyd, a dû prendre ses distances de la scène après avoir sombré dans une folie. Brian Wilson, qui refuse de se lever de son lit pour 3 ans, et le gros trip d'ego de Roger Waters en sont quelques exemples. Par contre, un génie en particulier repousse toutes ses frontières de la folie et remporte la palme d'homme le plus fou du rock'n'roll. Cet homme se nomme Phil Spector, un des plus grands producteurs de musique pop. Donc, Spector est sans conteste un des plus grands génies de la production musicale et de l'industrie que l'industrie musicale a pu connaître. Des Ronettes aux Ramones, en passant par Ike et Tina Turner et John Lennon, la réputation de l'homme n'est plus à faire. Par contre, comme tout génie, il renferme également un côté sombre qui n'est pas nécessairement plaisant à voir. Donc, Phil Spector, c'est grâce à des collaborations avec des gens bien en vue dans le domaine musical qu'il s'est fait connaître dans le milieu de la production au début des années 1960. Il écrit une partie de la pièce Spanish Harlem de Ben E. King et il travaille aussi aux côtés de Ray Peterson et de Bob Sox and the Blue Jeans. Et c'est avec les Ronettes qu'il va connaître le plus de succès. Spector est également à l'origine de la technique du Wall of Sound qui consiste en fait à dédoubler un bon nombre de musiciens et d'instruments afin de créer de nombreux unissons permettant une meilleure qualité de musique. Ah, oui, d'avoir des choristes en arrière, tu dédoubles la voix des instruments. Des instruments. Ben oui, parce qu'il enregistrait juste avec un seul micro à l'époque du mono. Donc, pour avoir vraiment un bon son, un son qui résonnait beaucoup, on a dit, on va mettre 3 guitares, 2 basses, 4 pianos, des choses comme ça, qui venaient vraiment rajouter une richesse au son incroyable. Moi, je pensais aux Ronettes, là, j'étais sûr que c'était comme un band de filles qui travaillaient chez Ronettes. Non. Les Ronettes. Oh, les jeux de mots. Ça aurait pu. Un jeu de mots avec The Ramones maintenant? Non. On va revenir plus tard, il n'y a pas de... Y a-t-il quelqu'un qui a un oncle de Ramon? Numéro demandé. Un oncle Ramon. Ramon. Non, c'est pas courant dans ma famille, non. Eh oui. Alors, malheureusement, Spector est à l'origine aussi de nombreuses crises égomaniaques, certaines d'entre elles assez violentes, qui suggèrent une certaine instabilité mentale de la part du génie. Et débutons d'abord avec l'attitude qu'il a pu adopter avec sa femme Roni, ancienne Ronettes. Oui. C'est de là que ça vient, les Ronettes. Oui, c'est ça. Le nom de la fille, c'était Véronica, mais son surnom, c'était Roni. Donc, ils ont dit, on va s'appeler les Ronettes. C'était un trio de chanteuses quand même assez prolifique dans les années 60. Et qui était un peu le groupe dada de Spectre. Grâce à lui, en fait, si le groupe a pu connaître ses grands succès. Et Spectre, qui était bien loin d'un Casanova, était insécure en amour. Il refusait à sa femme le droit de porter des souliers, de peur que celle-ci s'enfuit de lui. OK, parce que sans souliers, elle peut pas s'enfuir, c'est ça? Oui, c'est ça, non? Si elle n'a pas de souliers, elle peut pas sortir dehors. Mais non. Hein? Pas mais fou, non. Pas fou, le gars. Du tout. Et le pire que ça, il avait également acheté un cercueil de verre dans lequel il promettait à sa femme de l'enfermer à jamais si elle décidait de le quitter un jour. Donc, si elle le laissait. C'est romantique. C'est très romantique. Ça fait peur, hein? Pourtant, elle a des beaux souvenirs de sa relation avec Phil Spector dans le temps qu'il écrivait des chansons. Elle disait que c'était un peu comme des lettres d'amour qui s'envoyaient. Donc, c'était quand même chouette. C'est lui qui a dû dire ça, je pense. Ouais, c'est peut-être lui qui a dû dire ça, effectivement. Hein? C'est quand même assez peur, hein? T'as-tu écrit avec du sang? Peut-être, ça se peut bien. J'ai pas les détails, malheureusement. Mais justement, en plus d'une insécurité maladive en amour, Spectre avait également une fascination maladive pour les armes à feu. Donc peut-être qu'il a dit à sa femme de dire ça sous l'influence d'un arme. Mm-hmm. Donc, ce penchant malsain pour les armes qui lui vient d'une mésaventure avec de jeunes voyous dans une toilette publique alors qu'il n'avait que 18 ans, s'était fait battre et uriner dessus par les fiers à bras. Donc, ça l'a beaucoup marqué et ça l'a souvent mis dans une situation bizarre et dangereuse, son amour des armes, au cours de sa carrière. Donc, c'est à cause de mauvais traitements qu'il a commencé à aimer les armes. Très peur. Donc, alors qu'il produisait l'album Rock and Roll de John Lennon, Spectre, sous, drogué, dans un état de dépression avancé, criait souvent de sa cabine et s'amusait à agiter son arme à feu dans les airs en direction des musiciens. Il a fini par tirer un coup dans les airs et disparaître pendant des mois avec les enregistrements de Lennon. Les détails de l'incident peuvent être entendus sur les coffrets d'anthologie du chanteur. Malheureusement, j'ai pas trouvé ce coffret-là. Faudrait que j'essaie de le trouver. Ça serait intéressant à entendre. Je sais pas si on l'entend tirer de son coup de feu, mais ça doit être assez fou. Et on continue quand même à vouloir travailler avec lui, c'est ce qui est un peu troublant. C'est justement le cas des Ramones, qui en 1979 ont voulu travailler avec lui. Et il a également été menaçant avec eux. Il produisait l'album End of the Century. Et en plus d'avoir développé une genre d'obsession autour d'un accord ouvert de la pièce Rock and Roll High School, qui n'est pas nécessairement un grand succès, ou ben, en fait, qui est un grand succès des Ramones, mais qui n'est pas une grande pièce musicale, il aurait aussi menacé à de nombreuses reprises le groupe en leur faisant savoir qu'il possédait une arme et qu'il n'hésiterait pas à s'en servir. Il est même allé jusqu'à pointer son arme sur Didi Ramones, qui était le bassiste de la formation, qui voulait plus vivre cette pression, il voulait s'en aller tout simplement, et il a dit « Non, tu t'en vas pas », il a sorti son arme, et ça a pris jusqu'à temps que les gardes du corps de Spectre arrivent pour que la pression retombe, et donc il a invité le groupe à écouter sans cesse une pièce qu'il répétait, c'était la pièce « Baby, I Love You », un de ses premiers succès, et il l'a joué jusqu'à 4h du matin cette journée-là. Sans arrêt sur son piano. C'est que c'est des tactiques que l'armée américaine utilise supposément pour punir des terroristes. Hein? Pour faire il faisait du lavement de cerveau, donc au Ramon, c'était quand même assez creepy. Si je peux utiliser le terme en anglais. Je te permets. Et ouais, merci. Les Ramones aussi ont affirmé qu'ils étaient en quelque sorte retenus en otage par Spectre et ils enregistraient dans son manoir. Donc, ils étaient chez lui. Son manoir. En permanence, hein? Son manoir. Non, mais il y a vraiment une grosse maison. Il y avait une grosse maison. Puisque c'était un homme qui était extrêmement riche. Et aussi, plusieurs membres du groupe, en fait, sont partis. Marky Ramones, qui était le batteur, et Didi Ramones, qui était aussi bassiste de la formation, ont quitté les sessions parce que c'était vraiment incroyable. Il les laissait pas jouer, premièrement. Il était jamais d'accord, jamais satisfait du son. Et ils comprennent pas comment cet album-là a pu sortir, finalement, a pu être complété avec l'aide seulement de Joey Ramones et du guitariste dont le nom m'échappe. Je pense que c'est Johnny Ramones, ouais, c'est ça. Il était seulement deux. Et à l'origine, lorsque le groupe a contacté Spectre pour qu'il produise l'album, le producteur aurait dit « Si vous voulez un grand producteur, allez en chercher un. Si vous voulez Phil Spector, eh bien, il va y penser. » L'album a coûté près de 700 000 $ à produire, puisque Spectre remixait continuellement son contenu. Et il en a fait un des albums les plus coûteux de l'histoire de la musique. Et habituellement, un album de musique punk, c'est pas quelque chose qui coûte vraiment cher et qui prend trop de temps, habituellement. Mais il y avait quelques problèmes d'égo démesuré aussi. Il savait qu'il était bon et il n'hésitait pas à le dire à quiconque. Et cet égo a fait... ça s'est fait sentir lorsque les Beatles, moins Paul McCartney, lui demandent de produire l'album « Let It Be ». George Martin, qui était producteur attitré des Beatles depuis le début de leur carrière avec la EMI, voulait pas piloter le projet au départ, puisque l'album devait être live et répondre aux exigences difficiles de John Lennon et les autres Beatles. Et quelques années plus tard, donc, ils ont remis les bandes d'enregistrement à Phil Spector pour qu'il produise la version finale de Let It Be. Martin, par bonne volonté, a offert à Spector de coproduire le dernier album des Beatles. Phil Spector a donc déclaré « Je suis producteur et George Martin, un vulgaire arrangeur. Je ne travaille pas avec les arrangeurs. » Vraiment, là, c'était un gars qui se prenait littéralement pour un autre. Et il aurait peut-être dû peser ses mots, puisqu'il a ajouté à Let It Be un bon nombre d'arrangements superflus. Donc, il voulait pas travailler avec un arrangeur, mais lui-même a rajouté des arrangements orchestraux qui avaient vraiment pas leur place, surtout sur des pièces de Paul McCartney, parce qu'il savait un peu peut-être que Paul McCartney l'aimait pas. On peut soupçonner ça. Et il a même fait rager Ringo Starr qui, pendant une session d'arrangement à laquelle il assistait, a pris Spector par le bras pour le traîner hors de la salle de mixage pour lui demander, je vais dire en termes plus polis, là, mais qu'est-ce que tu fais, merde? Et l'album a été le symbole de la défaite de Paul McCartney qui refusait la part de Phil Spector dans les enregistrements des Beatles. Le mec écarté. Oh, hey, hein? Il est bon celui-là. Il est bon, ouais, merci. Celui-là. C'est bon. Avant de continuer avec la suite de la chronique, on va aller écouter justement une des pièces des Ronettes qui a été en fait la pièce la plus populaire de Phil Spector et des Ronettes, la pièce Be My Baby, qui est une pièce des années 60, malheureusement pas l'année ou l'album parce que ça a été pris sur un album de compilation. Donc on va y aller avec cette pièce Be My Baby, qui est une des meilleures pièces rock de tous les temps. On écoute ça tout de suite à Assemblage Requis. On l'entend, c'est la paire de pinces des Ronettes. La paire de pinces de Ronettes. Oh! Be my baby. Donc, la pièce Be My Baby des Ronettes, une pièce produite par Phil Spector, qui est le sujet de notre chronique à Paul is Dead présentement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis Simon Fitzbé, qui envahit les ondes d'assemblage requis de toutes les émissions. En fait. Ouais, je vais à toutes les émissions. Cette semaine, je vais toutes les avoir faites. C'est cool, ça. T'as-tu une feuille que tu peux cocher les émissions? Ouais, ça, c'est les buts dans ma vie, d'avoir fait les 3 émissions dans une semaine. Coché, c'est beau. Bravo. Merci. Donc, on parle, comme je le disais, de Phil Spector, qui un peu donc a foutu la merde dans les Beatles, qui a été assez violent avec les Ramones, qui a menacé John Lennon avec un arme à feu et qui disait à sa femme qu'il allait l'enfermer dans un cercueil de verre si jamais elle voulait le quitter. Bien, donc, c'est son côté obscur à Phil Spector. Et pendant les années 90, ça représente plutôt la réclusion pour Phil Spector. Effectivement, il serait resté terré dans son manoir de Alhambra, en Californie, pour une bonne partie de la décennie. Certains journaux ont rapporté qu'il prenait de longues marches sur son terrain vaste, son manoir, dans le noir, déguisé en costume de Batman. Il sortait uniquement avec son costume de Batman à la journée longue. OK. Ouais. Et le 3 février 2003, le corps sans vie de Lana Clarkson, une actrice de série B, est retrouvé dans le manoir de Phil Spector. Elle aurait déclaré aux policiers que c'était un suicide accidentel, qu'elle aurait embrassé l'arme et qu'il y aurait eu détonation. Donc, ça aurait tiré tout seul. Tout à fait logique. Ah oui, ça arrive tout le temps, ça. Et par contre, le producteur déchu se serait plutôt rendu en panique voir un de ses employés à la suite de l'acte. Et avec son arme à la main en déclarant « Je crois que j'ai tué quelqu'un ». Donc, ça a été quand même assez incriminant. Donc, voilà le mot que je cherchais. Et Spector, donc, s'est vu condamné à 18 ans de prison pour meurtre au second degré le 29 mai 2009. 2009-2008, j'ai oublié d'écrire la date. À la suite de 2 procès. Donc, le premier a été invalidé pour cause de faute de preuves. Donc, ça a été repris par la c'est suite. C'est pas pour folie. Pas pour folie, non. Non. Mais on peut dire que... quand même, ça a été assez difficile pour lui. Déjà, quand il est arrivé à son premier procès, il avait une coupe afro, ok, les gros cheveux en afro. Et lors de sa seconde comparution, il était rendu les cheveux pratiquement chauves du devant, très très dispersés en arrière. Donc, ça a été quand même assez éprouvant pour lui cette chose-là, puisqu'il a souvent menacé les gens avec son arme, il a souvent tiré pour faire peur, mais il avait jamais tué quelqu'un. Okay, mais sa cape est là pour le réconforter, j'imagine. Sa cape de Batman, oui. Je sais pas s'ils l'ont laissé garder avec lui. C'est comme dans Charlie Brown, c'est le petit gars qui traîne tout le temps sa couverte. Oui, Linus. Ben oui. Ah, Linus, c'est mon personnage préféré. Donc oui, j'aime beaucoup Charlie Brown. Je sais. Donc, Phil Spector, qui est le parfait exemple du génie qui ne peut supporter le poids de son talent. Effectivement, la fragilité ainsi que les problèmes mentaux courants dans sa famille ont totalement détruit l'intuition créative de ce grand homme et l'ont transformé en véritable phénomène dangereux, pouvant potentiellement faire du mal à lui-même et à d'autres. Ça s'est vu dans le cas de Lana Clarkson, qui est décédée. Et lorsqu'on dit que les problèmes mentaux sont courants dans sa famille, c'est qu'en fait, le père de Phil Spector s'est suicidé alors qu'il avait 9 ans. Et sa sœur a été internée dans une institution pour les problèmes mentaux, ouais, problèmes psychiatriques. Et donc, c'est courant dans sa famille. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement héréditaire, mais qui parfois peut jouer aussi, juste le fait de passer ces obstacles-là peut jouer un peu sur la psychologie des personnes. Et donc, additionné à sa peur des gens, donc sa folie des armes à feu. Et lui qui était toujours entouré de gardes du corps pratiquement tout le temps, même lorsqu'il a été intronisé au Temple de la renommée du Rolling Stone, non pas du Rolling Stone, mais du Rock'n'Roll, il est escorté de ses 3 gardes du corps tout le long qui s'est rendu sur la scène et il s'était vraiment en sécurité serrée, même si c'était une salle de bal où tout le monde était contrôlé, c'était tous des gens connus. Il avait peur de se faire attaquer. Mais donc, c'était peut-être plus pour protéger les gens de lui. Oui, c'est peut-être ça. Hein? Rendu là, probablement que c'était la théorie qu'il faut mettre en marche, parce que je pense que... Ouais, il devait protéger les gens de lui-même. C'est pas pire que c'est la dommage. Pape mobile, par exemple. Juste pour relativiser les choses. Le pape a une pape mobile, juste pour relativiser le ouais, fait que c'est vrai. Mais ça ne l'a pas empêché de se faire attaquer en pleine messe de minuit. C'est ça. Mais oui, Phil Spector, qui était un grand génie, vraiment, son travail est incroyable, malheureusement. peut-être un peu obscurci avec ce qui est arrivé, mais ce qui est arrivé avant, donc c'est pas une raison pour arrêter d'écouter ses albums. D'ailleurs, j'ai présenté son album de Noël lors de la dernière de la saison passée d'album classique. Et ce qui est très, très ironique, par contre, c'est qu'à la fin, il passe un message de paix et de bonne volonté pour les gens, alors qu'on sait que maintenant, il est en prison pour meurtre. C'est dommage. Il sera éligible à la libération conditionnelle lorsqu'il aura 88 ans. Ouais. D'accord. Effectivement. Mm-hmm. Ouais. Ben oui. Ben c'est ça. C'est ça. Ben qu'un. Simon Fidmé, on te retrouve à deux autres endroits minimum la semaine. Minimum. Lundi soir à 20h, c'est Krautrock. Oui, Krautrock. Ça revient la semaine prochaine. Ça revient la semaine prochaine. On commence ce lundi. Jeudi prochain, pas cette semaine, jeudi prochain, album classique à 19h. Effectivement. Et tu animes la pilule du lendemain du lundi au jeudi de 7h à 9h avec Marc Perriard. Oui, avec Marc Perriard. C'est vraiment génial. On a du fun. Écoutez-nous, levez-vous le matin. Mettez vos cadrans, c'est fou. Là, ça va faire une raison de se lever. Sinon, on se lève juste pas. Oui, puis sinon, ben, on te retrouve ici mercredi prochain. Mercredi prochain et peut-être une fois de temps en temps dans le dîner de ton, c'est pas encore sûr. Pas sûr qu'on va toutes les dire à chaque semaine. Ben là, quand même, je vais vous préparer une petite feuille, s'il te plaît. Vous lirez ça. Avec ça va juste prendre une heure. On va faire une chronique. Où est Simon Fidibé cette semaine? C'est pas fou. La chronique sur les chroniques de Simon Fidibé. J'aime ça. Ouais. Bon. Bye, Simon. Mais ça existe déjà, ça. Ça s'appelle « Les meilleurs moments de C'est fou ». Par exemple, c'est vrai que ça va être long. Écoutez, les meilleurs moments de C'est fou, ça va être juste Simon Fidibé toujours. Je me prends pour Phil Spector, je suis désolé. On va faire les meilleurs moments de Simon Fidibé et les meilleurs moments de C'est fou. Ouais. Non, un peu d'humilité. Ce qu'on pourrait faire, ce serait enlever toute référence aux autres animateurs dans ses chroniques. Comme s'il y aurait juste la voix de Simon, s'il se présenterait tout seul. Tout le long. Ouais. Je vais juste parler tout le temps. Bon. C'est pas fou. Mais regarde, je vais venir faire les meilleurs moments, moi. C'est bien animé les vendredis matin et les samedis après-midi. Bon, on peut fermer la chronique ici, je pense. Ouais. Bon, parfait. C'est beau. Merci, Simon. Donc, on t'entend. Plaisir. Merci à vous de m'accueillir à chaque semaine. Ben, merci à toi. On t'entend mercredi prochain. Yes. Donc, t'es encore en train de travailler là-dessus? Toi, il me semble que ça fait des mois que je te vois gosser, puis je sais toujours pas ce que c'est. Ben, là, c'est un vibromasseur. Il me semble que c'est évident. Ben, c'est parce que ça ressemble vraiment plus à un. Ah. Oh. Je pense que je vais recommencer. Kiwan et Mathieu, assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées du lundi au jeudi de 15 à 17h à C'est fou.